Les pilons dans ma peau d'eau d'eau. Pour caresser ou la bonne en mer. Fais-moi tout l'autre des envies. Moi, pas où elle est demandé hier. Jeudi, un soleil l'a levé. Moi, déclaré mon billet pour être bon. Mettez-vous à terre pour marcher. En mes échéances, écoute-moi. Mes amis, moi pas ouais ni devant le soleil a levé pour déclarer mon billet boîte bon. Mettez-moi d'air pour manger mes chiens. C'est à moi qu'on fait si haut, m'a toujours fait bon si haut. C'est qu'un foutu qu'on fait tout, dégage au couvent des mêlés. C'est à moi qu'on fait si haut, m'a toujours fait bon si haut. C'est qu'un poudou qu'un ventou, dégage au pouvoir des vélés. Bon, mais si j'ai son coup de bord, des fins quand moi toujours dis ça. Bon, mais si j'ai son coup de bord, des fins quand moi toujours dis ça. L'offre au bien, y'offre au bas, des fins quand moi toujours dis ça. Peut-être quand moi toujours dis ça. Des fins quand moi toujours dis ça. Bon, mais si j'ai son coup de bord, des fins quand moi toujours dis ça. Je me souviens.